بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نحمد الله جل وعلا أولا الذي وفقنا ويسر لنا صيام هذا الشهر وإدراك هذا الشهر الكريم، فنحمده جل وعلا ونشكره على هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى، كما نسأله جل وعلا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونسأله جل وعلا الإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc en ce jour du Ramadan, du premier de ce mois béni du Ramadan, donc ce premier jour, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir gratifié de la sorte, de nous avoir comblé de ce grand bienfait, de pouvoir être en vie en ce mois béni du Ramadan, de cette année 1442 de l'année égérienne, correspondant à l'année 2021 du calendrier grégorien. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous le savez, c'est un rappel qu'on se fait, c'est très important de se faire le rappel, surtout en des périodes comme celle-ci, que le fait d'être vivant et qu'Allah nous ait permis de pouvoir être vivant ce mois béni du mois du Ramadan, c'est l'un des plus grands bienfaits, c'est inestimable. Ça ne s'achète pas. Il n'y a aucune fortune qui pourrait égaler ce bienfait-là. Donc, si vous reconnaissez ce bienfait-là, alors soyez heureux, accueillez ce mois du Ramadan avec joie, bonheur, et sachez que ce mois du Ramadan, c'est un bonheur pour tout croyant. Donc alors qu'on était plongé dans la recherche des biens d'ici-bas, on était plongé dans notre dunya, dans nos soucis, dans nos convoitises, dans nos projets, dans cette vie d'ici-bas, en oubliant la vie éternelle de l'au-delà, celle qui n'est pas comme celle-ci, comme cette vie d'ici-bas, cette vie qui est éphémère, alors que celle de l'au-delà perdure. Et donc, alors qu'on était plongé dans nos passions, plongé dans nos plaisirs, plongé dans nos délices, en oubliant notre place dans l'au-delà, souvent et parfois en négligeant cela, alors là, on a un grand rappel. Et là, on a une miséricorde qui nous parvient de la part de notre Seigneur pour faire revenir nos cœurs et pour nous faire revenir vers la droiture, pour nous faire revenir à ce qui est le plus important pour nous, pour notre vie d'ici-bas et pour notre au-delà. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui a légiféré cela, et celui qui a fait que ce mois béni du Ramadan n'est pas comme les autres mois. Ce mois est particulier. Dans ce mois, les portes du paradis s'ouvrent. En ce mois, les démons sont enchaînés. En ce mois, Allah jalla wa ala a les affranchis de l'enfer. En ce mois, Allah fait miséricorde subhanahu wa ta'ala d'une manière particulière. Et c'est pour cela que c'est un mois où le croyant, pour se racheter, toutes les déficiences, tous les manquements, les diminutions qu'on a eues pendant toute l'année, tous ces manquements qu'on a eus pendant toute l'année, alors qu'on était préoccupé, alors qu'on a sombré, qu'on était plongé dans nos passions, dans nos désirs, dans nos plaisirs, dans nos projets, dans nos faux espoirs souvent, alors que Shaitan parfois nous fait sombrer dans des faux espoirs, alors là, on a un moi qui est un rappel, une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'on, dans un premier temps, il faut remercier Allah, il faut être conscient de ce bienfait. Il faut être conscient de ce bienfait. Pourquoi? Parce que comme on a fait maintes fois ce rappel-là, l'année dernière, il y avait des gens qui étaient vivants pour le mois du Ramadan dernier et aujourd'hui qui font plus partie de ce monde et qui n'ont pas pu atteindre ce mois du Ramadan. Et ceux qui étaient vivants l'année dernière, dans le mois dernier du Ramadan l'année dernière, et qui sont vivants aujourd'hui, et qui sont vivants aussi pour ce mois du Ramadan, Allah leur a donné encore du temps. Allah leur a donné de ce temps qui est précieux, qui est inestimable pour pouvoir jeûner et adorer Allah subhanahu wa ta'ala, réaliser ce pourquoi Allah nous a donné existence et créé. Alors c'est un bienfait que on ne peut pas acheter ce bienfait. Même si on détenait toutes les fortunes que détient cette vie d'ici-bas, on pourrait acheter ce bienfait-là. Et combien de gens auraient espéré, voulaient être vivants en cette vie pour pouvoir jeûner ce mois du Ramadan, pour pouvoir être présents et adorer Allah Jalla wa Ala en ce mois du Ramadan, multiplier la lecture du Coran, multiplier les invocations, avoir cet honneur de jeûner en ce mois, et malheureusement, ils n'ont pas eu cette opportunité. Alors que certains ont jeûné le mois de l'année dernière, le mois du Ramadan dernier, ou d'autres n'ont pas atteint le mois du Ramadan dernier. Et pour ceux qui l'ont atteint, le mois du Ramadan dernier de l'année dernière, ils ne pensaient pas que c'était leur dernier mois du Ramadan. Et de ce fait, ceux qui sont vivants en ce mois-ci, ils ne savent pas si le mois prochain du Ramadan, de l'année prochaine, fi sanatil qadima, est-ce qu'ils seront vivants ou non? Et si la personne avait cette annonce, cette nouvelle, que ce mois serait le dernier de sa vie d'ici-bas, ça sera le dernier mois du Ramadan de sa vie d'ici-bas, alors il ferait les efforts pour celui qui a un cœur, hein, un cœur éveillé et pur, alors il ferait les efforts, il donnerait tout de lui-même et tout ce qu'il peut pour pouvoir, eh ben, œuvrer de la meilleure des manières en ce mois béni du Ramadan. Donc si la personne, il avait cette nouvelle-là, cette annonce-là, que ça serait le dernier mois du Ramadan de cette vie d'ici-bas. Et la personne sait que lorsque il quittera cette vie d'ici-bas, c'est sans retour, c'est un voyage qui est sans retour. Il ne reviendra plus. Donc c'est des occasions que il faut saisir. Mais on n'a pas cette annonce. Personne ne peut savoir si c'est son dernier mois du Ramadan ou pas qu'il va jeûner dans cette vie d'ici-bas. Mais lui, il doit œuvrer de sorte que si c'est son dernier mois de Ramadan de sa vie qu'il va vivre ici-bas, alors œuvrer de sorte qu'il ne regrette pas et faire tous les efforts qu'il peut, faire tous les efforts qu'il peut pour ici sortir après ce mois avec tout ce qu'il a pu tirer de bien de ce mois béni, de cette miséricorde qu'Allah Jalla wa Ala nous a envoyé. Et c'est pour ça qu'Allah est celui qui a choisi ce mois comme étant un mois particulier. Allah est celui qui a légiféré cela, subhanahu wa ta'ala. C'est celui qui fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Et ça, faut vraiment le prendre comme ça, c'est une miséricorde pour nous. C'est vraiment une miséricorde pour les croyants et les croyantes. Donc ça, c'est le premier appel qu'on se fait au début en ce premier jour du mois du Ramadan. Le deuxième rappel, une question que beaucoup peuvent se poser, comment accueillir ce mois? Comment accueillir ce mois du Ramadan? L'une des premières choses, parmi les choses que nous citent les grands savants de l'islam, une chose qu'il faut savoir, premièrement, il faut être heureux, il faut être content, il faut se réjouir de l'arrivée du mois du Ramadan. Le croyant, dans son adoration, son lien qu'il a avec Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'adore pas Allah avec paresse. Il n'adore pas Allah avec paresse. Lourdeur. Ça, c'est la description, c'est les caractéristiques des hypocrites. Et lorsqu'ils se lèvent pour prier, les hypocrites, ils se lèvent avec paresse. lourdeur, c'est lourd pour eux, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ils n'évoquent Allah, ils n'invoquent Allah que très peu. Ça, c'est la caractéristique des hypocrites. Par contre, lui, le croyant, il adore Allah avec réjouissance. Il se réjouit de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est heureux d'adorer Allah subhanahu, son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, de vouer une religion pure et saine, un culte exclusif à son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Le croyant, le musulman, est heureux de cela. Et savoir aussi que ça, c'est un honneur pour nous. Sachez, mes frères et mes sœurs, que c'est un honneur pour nous qu'Allah fait de nous des musulmans, des croyants. C'est un honneur pour toi, mon frère. Et c'est un honneur pour toi, ma sœur, d'être croyante et d'être soumise à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a honorifiés avec cela. Le fait d'être croyant et le fait de pouvoir jeûner ce mois du Ramadan et d'être conscient de la grâce et de la valeur de ces choses. Et donc, c'est une réjouissance pour le croyant. Le croyant accueille ce mois du Ramadan avec bonheur. Il est heureux d'être vivant en ce mois et de vivre ses instants. Et de vivre ses instants en ce mois béni du Ramadan. Et ça, c'est l'une des forces des croyants. Ça fait la force du croyant. Pourquoi? Parce que peut-être que des non-musulmans, à l'approche du mois du Ramadan, et aussi pendant le mois du Ramadan, alors certains le fait qu'ils ne jouissent pas de cela, ce qu'on appelle la douceur de la foi. Ces gens-là ne connaissent pas qu'est-ce que la douceur de la foi. Donc, ce que ressent le musulman lorsqu'il adore son Seigneur, lorsqu'il est soumis à Allah, subhanahu wa ta'ala, et qu'il lui voue une religion pure, le non-croyant, lui, ne connaît pas, ne ressent pas ça, la douceur et le délice de la foi. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que l'iman? Et c'est ce qu'on appelle en arabe halawat al-iman. Halawat al-iman, le non-croyant ne ressent pas ça. Il n'a pas goûté à cela. Et halawat al-iman, la douceur de la foi, c'est même mentionné dans des récits du prophète, ensemble. Le prophète, ensemble, lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, que les prières, la paix, le salut soit sur lui, le prophète a mentionné ça, la douceur de la foi. Donc c'est quelque chose de réel, de véritable. Alors, une personne non-croyante qui n'a pas goûté à la douceur de la foi, lui, pour lui, lorsqu'il entend l'arrivée du mois du Ramadan, et lorsqu'il voit les musulmans jeûner en ce mois, c'est-à-dire s'abstenir de toute nourriture, s'abstenir de boissons et autres, parmi les obligations du musulman pour parfaire son jeûne, alors, pour eux, leur réaction, c'est, oh, regardez, ils délaissent, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, etc. Pour eux, c'est quelque chose de dur. Ils sont étonnés de cela. Mais la force du croyant, s'il savait que le croyant, lui, est heureux de cela, il est heureux de délaisser, pendant ces journées du mois du Ramadan, de délaisser la boisson, de délaisser la nourriture, de délaisser les choses qu'il ne faut pas faire, qui sont des annulatifs du jeûne du Ramadan. Et on pourra faire des rappels sur ça tout au long de nos assises, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah, sur les choses à éviter pendant le mois du Ramadan, qui font partie de ce qu'on appelle le mufattirat al-sawm, les annulatifs du jeûne. Donc on pourra discuter de cela. Dans tous les cas, le croyant, lui, est heureux de délaisser la boisson, de délaisser la nourriture et les choses qui font partie des annulatifs du jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour son créateur. Allah nous a créés pour cela, pour l'adorer. Tout simplement. Et le fait de réaliser ce pourquoi Allah jalla wa ala nous a donné existence alors qu'on était néant, alors cela est un honneur pour nous. C'est un honneur pour toi, ô mon frère, et pour toi, ma sœur. Pourquoi? Parce qu'Allah jalla wa ala t'a guidé toi. Et celui qui ouvre les cœurs à sa religion, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui guide. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Certes, toi, tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui veut, dans une traduction rapprochée du sens du verset. Donc Allah nous informe et dit au prophète, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, certes, toi, tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Et Allah est celui qui yashrah soudour, est celui qui ouvre les poitrines. Donc si tu es heureux d'accueillir ce mois du Ramadan, tu es heureux d'être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, tu es heureux de faire ces adorations-là pour prouver ta foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le fait d'être soumis à lui par ces actes d'adoration-là, ça prouve notre foi en lui. Et de ce fait, on se distingue d'autres gens. Et on se distingue et notre place s'élève auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors si tu es heureux de cela, alors sache que c'est des bons signes. Sache que c'est les bons signes et sois heureux de ce bonheur. Et c'est dans cela qu'on va trouver le bonheur. Vous savez, le bonheur n'est pas forcément, comme beaucoup pensent, dans les richesses, dans les passions, dans les plaisirs, dans les délices, dans la notoriété, dans la célébrité. Le bonheur n'est pas dans ça. Et vous voyez autour de vous, vous voyez chaque jour, constamment autour de vous, des gens qui ont connu la célébrité, des personnes célèbres, des gens qui ont connu des fortunes, des gens qui ont connu des hauts rangs dans la société, des hauts rangs, malgré cela, ils n'ont pas ce bonheur-là. Malgré cela, on voit qu'ils ne sont pas heureux. Pourquoi? Parce que le bonheur, ce n'est pas ça. Tout ça, c'est éphémère. Tout ça, c'est des choses qui partiront. Tout ça, c'est des choses qui s'en vont. Mais le vrai bonheur est justement dans l'iman, dans la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour accueillir, pour revenir à d'autres sujets, pour accueillir ce mois du Ramadan, donc déjà, se réjouir de l'arrivée du mois du Ramadan. Ensuite aussi, parmi les choses ici, purifier son cœur. Purifier son cœur de tout mal, de toute forme d'hypocrisie, de toute forme de mécréance, de toute forme de polythéisme, de toute souillure, de toutes ces choses qui sont des impuretés pour nos cœurs. À essayer d'avoir un cœur pur. Un cœur pur. Pourquoi? Pourquoi? Parce que lorsqu'on a un cœur pur, eh ben, ce cœur est réceptif. Et c'est ça qui nous aide à abonder, à multiplier la lecture du Coran. La lecture du Coran. Et comme disait un compagnon, si nos cœurs sont purs, ils ne se rassasieront point de la lecture du Coran. Ils ne seront jamais rassasiés. Ces cœurs purs, le cœur pur ne sera jamais rassasié de la lecture du Coran. C'est pour ça de s'efforcer de purifier son cœur. Pourquoi? Parce que des savants nous disent que ces gens qui ne s'efforcent pas à purifier leur cœur, c'est pour ça qu'ils commencent le mois du Ramadan, ils commencent à ouvrir le livre, à ouvrir le Coran, à lire, à prier, mais ensuite, avec les jours, ils vont commencer à s'essouffler. Et ils vont commencer à délaisser. Ils vont commencer à délaisser. Et c'est ça qu'il faut surtout pas faire. C'est ça qu'il faut surtout pas faire, mais il faut être constant tout le mois et progresser. Et ceux qui veulent toujours avoir un cœur réceptif, un cœur qui ne se rassasie pas de la lecture du Coran, alors il faut le purifier. Il faut que ce cœur soit purifié de tout mal et de tout mot, MAUX, de tout mot, c'est-à-dire qui sont des fléaux pour le cœur, qui sont des fléaux pour le cœur. Donc ça, c'est un rappel vraiment à se faire. Donc le programme qu'on va essayer de faire pendant ce mois du Ramadan est à savoir qu'on est dans la deuxième année où les gens sont confinés. Et donc, vous voyez que, surtout en France, donc les gens ont deux prières, en général, la prière du Adh-Dhuhr ou Al-Asr. Et donc, ils ne pourront pas célébrer la prière en commun du Maghreb, du coucher du soleil, et donc de la rupture, hein, du jeûne de la journée, et de Salat al-Isha et Salat al-Tarawih, et de la prière, de ces prières qui sont en commun, et de la prière ensuite, d'après al-Isha, Salat al-Tarawih. Donc, qaddar Allahu ma sha fa'al, ce qui a été décrété est décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, essayez de pallier à cela, de combler ce temps-là, essayer de s'efforcer, alors, pendant que la personne est confinée, et ben de prendre ce temps qui est précieux et de saisir cette occasion, ce temps-là, pour multiplier l'adoration d'Allah, les invocations, pour abonder dans la lecture du Coran, vraiment abonder, ouvrir le livre d'Allah, essayer de méditer l'essence de ces versets, essayer d'observer les versets, de méditer, de les lire, de répéter la lecture de ces sourates, le fait que les gens soient confinés chez eux en cette épreuve, de toute manière, l'épreuve est là. L'épreuve est là. Donc, essayez de saisir cette épreuve-là et de la rendre positive. De faire de cette épreuve qu'elle soit positive pour la personne. Et ce temps-là, le passé pour ceux qui ont du temps, lorsqu'ils sont chez eux, eh ben de s'efforcer de lire le Coran. Le prophète, en somme, lui-même, il est rapporté pendant le mois du Ramadan, eh ben, il révisait le Coran avec Jibril, alayhi salam, l'ange, Jibril, pas n'importe qui, avec l'ange, cet ange parmi les plus rapprochés d'Allah, subhanahu wa ta'ala, cet ange rapproché d'Allah, qui était mandaté et délégué pour transmettre la révélation, il était l'intermédiaire entre les prophètes et les messagers et leur Seigneur. Eh ben, Jibril, alayhi salam, pendant tous les mois du Ramadan, chaque mois du Ramadan, il descendait et le prophète révisait le Coran avec l'ange Jibril, alayhi salam. Et le dernier mois de Ramadan qu'a vécu le prophète, alayhi salam, le prophète l'a révisé deux fois avec l'ange Jibril, alayhi salam. Et de ce fait, c'était aussi l'habitude et la tradition des successeurs du prophète, alayhi salam, parmi ses nobles compagnons, parmi ses nobles compagnons. Comme c'est rapporté de Othman ibn Affan, radiyallahu ta'ala an, qui lui, chaque jour de Ramadan, il lisait le Coran une fois. Chaque jour, il le lisait une fois. C'est-à-dire qu'il clôturait et terminait la lecture du Coran chaque jour. Chaque jour. Et ça, c'était aussi la manière, l'habitude de leurs successeurs. Donc, nos pieux prédécesseurs étaient connus. Donc, il y a de nombreux récits. On pourra souvent évoquer des récits qui nous incitent et nous encouragent à abonder et à multiplier la lecture du Coran, à lire souvent le Coran. Et comme c'est rapporté par exemple de l'imam Shafi'i, qui lui le lisait chaque jour deux fois pendant le mois du Ramadan. Donc il est rapporté qu'il le lisait 60 fois, une soixantaine de fois pendant le mois du Ramadan. Et ça nous incite, c'est pour nous encourager vraiment à multiplier la lecture du Coran. Et pour s'aider, j'ai choisi qu'on se fasse, qu'on dérappelle et qu'on essaie d'étudier des histoires qui sont relatées dans le Coran. Donc, ça sera le sujet de notre cours. Inch'Allah, on essaiera de prendre des histoires qui sont relatées dans le Coran et d'essayer de les comprendre, de les méditer et d'essayer d'extraire et de tirer les leçons. Les leçons qu'il y a à travers ces histoires qui sont relatées dans le Coran. Puisque, comme vous savez tous, dans le Coran, donc, Allah Jalla wa Ala a relaté des histoires. Vous savez que le Coran, c'est la parole d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc, le Coran est incréé. C'est la parole d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et Allah, dans le Coran, nous relate des histoires, nous enseigne des histoires. Que ce soit des histoires de prophètes, ou bien de messagers, ou autres. Et ces histoires qui sont relatées dans le Coran, elles n'ont pas été relatées en vain, sans qu'il y ait de sagesse ou de raison précise, mais bien au contraire. Donc ces histoires que vous trouvez dans le Coran sont les meilleures histoires que vous pourrez trouver et lire. Donc c'est des histoires qu'il faut méditer. Et comme j'ai dit précédemment, à travers ces histoires, comme les savants de l'islam nous l'enseignent, à travers ces histoires, il y a des enseignements qui sont inestimables. Et on essaiera de donner des exemples à cela. Donc des exemples qui sont inestimables. Et donc ça convient avec le contexte pour ceux qui vont, mashallah, s'efforcer à ouvrir le Coran, à essayer de méditer les versets et les passages où il y a la mention de certaines histoires, comme on l'a dit précédemment, de prophètes ou bien de messagers ou de peuples ou autres, eh bien, le fait que vous allez essayer de les comprendre, nous on va essayer de prendre certaines de ces histoires, Inch'Allah, et à travers l'étude et les explications, les exégèses qui nous sont données dans certains livres célèbres, que ce soit dans l'exégèse de Tabari, ou bien d'Ibn Kathir, ou bien de Al-Baraoui, ou bien aussi de Cheikh Sa'di, ou d'autres, on voit que de grands savants de notre communauté de l'islam ont expliqué ces versets où il nous est relaté l'histoire de certains peuples ou de prophètes ou bien de messagers ou autres, comme on a dit. Et là, ils nous ont mis en lumière justement de nombreuses leçons et enseignements à tirer. Vous allez voir que ça va avec le contexte et à travers l'étude de cela, le musulman va trouver une tranquillité, un apaisement, un soutien en étudiant cela. Pourquoi? Parce que vous allez voir que à travers l'étude, par exemple, des histoires de prophètes et de messagers qui sont mentionnés dans le Coran, vous allez voir le vécu de ces prophètes et de ces messagers. Et vous allez voir que si vous, aujourd'hui, vous êtes éprouvé, sachez que les prophètes et les messagers qui sont les élus d'Allah, ceux qu'Allah Jalla wa Ala a choisis pour transmettre sa révélation, donc ce n'est pas n'importe qui, Allah les a choisis. Ils se sont distingués par rapport à cela. Il les a choisis. Il les a aimés pour transmettre sa révélation. Eh bien, eux ont subi toute forme de préjudice, ont enduré, ont été éprouvés. Et ce qui nous prouve cela, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit Ashadd al-bala al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal, dans un hadith prophétique immense, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous enseigne que ceux qui seront le plus éprouvés parmi les êtres humains, parmi les hommes, ce sont les prophètes. Les prophètes seront les hommes les plus éprouvés. Et de ce fait, le fait que de prendre connaissance de ces histoires et de voir les épreuves qu'ont subies les différents prophètes et messagers envoyés d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ce qu'ils ont subi, l'adversité, l'antagonisme de leur peuple, et comment ils ont patienté et enduré face à ces épreuves, et face à cela, alors c'est un modèle pour nous. Les prophètes et les messagers étaient un modèle pour nous de patience, c'était un modèle d'endurance, c'était un modèle de persévérance, c'était un modèle de bonté, c'était les modèles du bon comportement, des nobles caractères, de l'éthique même que se doit d'avoir le croyant et la croyante dans cette vie d'ici-bas. Donc vous trouverez, vous pouvez parcourir les livres, mes frères, vous pouvez parcourir les livres, vous ne trouverez jamais de meilleure histoire avec des leçons et des enseignements aussi immenses que d'étudier les histoires qu'il y a dans le Coran. Et les histoires des prophètes et des messagers, des différents peuples qui sont mentionnés dans le Coran. Ces histoires-là vont nous rapporter justement, ça va apporter aux croyants du soutien, de l'apaisement, de la tranquillité, parce que s'ils voient que lui, si vous voyez que vous aujourd'hui vous êtes éprouvé, que ce soit par cette pandémie, par le confinement, par la situation économique, par la situation sanitaire ou par d'autres épreuves, par l'antagonisme d'autres peuples contre les musulmans, par exemple, par la malveillance de beaucoup et de certains contre les musulmans, contre cette stigmatisation aussi, contre les musulmans, eh bien, sachez qu'avant vous, les prophètes et les messagers et leur peuple et leurs partisans ont été éprouvés. Comment réagir? Comment se comporter? Comment patienter? Comment endurer cela? Comment persévérer face à cela? Comment endurer ces préjudices, qu'ils soient verbaux ou physiques ou moraux? Comment endurer cela? Eh bien, vous allez avoir, en l'exemple des prophètes et des messagers, le meilleur exemple que vous pouvez trouver. C'est pour cela que j'ai choisi qu'on étudie en ce mois des versets du Coran où des histoires de prophètes ou de messagers ou autres nous sont ou de différents peuples nous sont relatés. Essayez de comprendre ces histoires à travers les explications, l'exégèse de grands savants de notre communauté, de grands savants musulmans, et de tirer justement toutes les leçons, ou certaines leçons, parce qu'on ne pourra pas tirer toutes les leçons, elles sont immenses et inestimables, mais certaines leçons qui nous sont importantes. Et vous verrez, comme nous dit le prophète, sallam, il rassure le prophète, il rassurait ses compagnons, il rassure sa communauté. Vous verrez que la finalité est toujours pour les croyants. Et ceux qui endurent, à la fin, il y a la tranquillité, il y a la finalité. Et que l'ampleur de la récompense va avec l'ampleur de l'épreuve. Comme nous l'enseigne le prophète dans un hadith, le prophète nous dit Inna 'idham al-jaza ma 'idham al-bala. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. Et donc le prophète dans ce hadith immense, ce hadith authentique, il nous enseigne le prophète enseigne que l'ampleur de la récompense, de la rétribution va avec l'ampleur de l'épreuve. C'est-à-dire que le prophète nous enseigne que plus l'épreuve est grande et intense, plus la récompense et la rétribution sera grande et intense. Et ça apaise le cœur du croyant, de savoir que lorsqu'il est éprouvé, qu'il sache qu'il sera récompensé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala s'il fait preuve de patience et d'endurance. Et plus votre épreuve est difficile, plus par exemple les personnes qui vivent mal ce confinement, qui vivent mal le fait d'être chez soi, en quelque sorte enfermé chez soi, ne pas pouvoir aller prier les prières en commun, celles de Maghreb, du Isha et du Tarawih par exemple, où ont d'autres problèmes, d'autres soucis parmi les soucis de la vie. Certains vivent des problèmes et des soucis. Alors rappelez-vous que plus vos soucis sont grands, plus votre épreuve est grande et plus la récompense sera grande auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez le prophète sallam, regardez comment il rassurait sa communauté et il continue en disant wa inna Allah ta'ala idha ahabba qawman ibtalahum. Et certes, lorsqu'Allah aime un peuple, il éprouve. Donc sachez, si la communauté musulmane est éprouvée, si toi, mon frère musulman, tu es éprouvé, ou ma sœur musulmane, tu es éprouvé, tu vis des épreuves, tu as des soucis. Donc parfois, le musulman est touché par l'anxiété, par des angoisses, par la tristesse. Parfois, il est touché par la déprime, par des sauts d'humeur et autres. Sachez que tout ça, en tout ça, il y a une expiation, une rémission des fautes. Une expiation et une rémission des fautes. Et même le prophète, ça me dit, ne serait-ce que l'épine, d'être touché par une épine, il y a une rémission, une expiation des fautes. Donc si la personne se voit éprouvée, qu'il ne pense pas qu'il est maudit, ou qu'il ne pense pas qu'il est mal aimé, mais au contraire, le prophète nous dit, wa inna Allah ta'ala idha ahabba qawman ibtalahum. Et certes, lorsqu'Allah aime un peuple, alors il éprouve. Il éprouve ce peuple. Et le prophète continue de nous dire, celui qui acceptera cela, alors il sera agréé, mais celui qui se mécontente, alors Allah sera mécontent de lui, une traduction rapprochée du sens de la parole prophétique, de la parole de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est des hadiths qui nous réconfortent, on trouve du soutien en cela, à savoir que face à l'épreuve, celui qui accepte, patiente, alors il sera élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que dans le verset, Allah jalla wa ala nous dit, Ahasibannas, an yutarakun an yakulu amanna, wa hum la yuftanun. Est-ce que les gens penseront, une traduction rapprochée du sens du verset, est-ce que les gens penseront qu'on les laisserait dire qu'ils ont cru amanna, qu'ils sont croyants, qu'ils ont cru sans qu'on les éprouve? Donc vous avez vu, cette demeure, c'est la vie, cette vie d'ici-bas, c'est la vie qui est appelée, nommée du test, de l'épreuve. L'individu dans cette vie d'ici-bas, le croyant, est mis à l'épreuve. Il est testé dans cette vie d'ici-bas. Par contre, celle de l'au-delà, il n'y aura plus ce test, ces épreuves-là de cette vie d'ici-bas, les tests de cette vie d'ici-bas. Celle de l'au-delà, ça sera la rétribution. Ça sera la récompense pour les endurants, la récompense pour les croyants. Et donc, c'est pour ça qu'on étudiera ce qu'on appelle Qasas al-Qur'an, les histoires relatées du Coran, et vous verrez à travers les histoires de prophètes, de messagers ou autres qu'il y a dans le Coran, des exemples d'adoration. Comment est-ce qu'on pratique un monothéisme pur? Comment réaliser le tawhid? On le verra parmi les leçons enseignées. La grande récompense d'adorer Allah seul, subhanahu wa ta'ala, de réaliser ce monothéisme pur. Comment éviter le polythéisme et l'adoration des idoles et des fausses divinités qu'on apprendra. On apprendra que malgré ce qu'ont vécu les partisans, les peuples des prophètes et des messagers comme épreuves et préjudices, on verra qu'à la fin, ils ont eu triomphe et succès. Et qu'Allah dit, voilà, aqibatul muttaqin. Et que la bonne finalité, en réalité, appartient aux pieux, appartient aux craintifs, ceux qui craignent réellement Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on va voir que dans le Coran, Allah, jalla wa ala, nous enseigne une règle très importante qui est, après la difficulté, la facilité. Si vous êtes en difficulté, il y aura une facilité. Sachez-le. Sachez-le, après cette pandémie, il y aura une facilité. Sachez-le, c'est inéluctable. C'est pas, on ne fait pas du devinage, on ne sait pas, on ne peut pas deviner, puisqu'il y a seul Allah qui connaît ce qu'il y aura. Personne ne peut savoir ce qu'il y aura. La science du futur, la science de l'invisible, cela n'appartient qu'à Allah. Sauf qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a enseigné des enseignements comme, par exemple, certaines règles. Il nous a enseigné qu'après la difficulté, il y a ba'd al-usr. Il y a al-yusr, la facilité. Donc on sait quand il y a une épreuve comme la pandémie, par exemple, cette pandémie-ci, on sait qu'il y aura ensuite la facilité. Il y aura le secours d'Allah. Et ça s'est prouvé dans un autre verset, que ceux justement qui feront preuve de piété et d'endurance, Allah leur trouvera une issue. Allah donnera et octroiera une issue, accordera une issue aux croyants tout le temps, tant qu'il fait preuve de taqwa, de piété. Regardez, Allah jalla wa ala nous dit, et celui qui craint Allah, qui fait preuve de piété, Allah, il va lui trouver une issue, lui accorder une issue favorable. Traduction approchée du sens. Il va lui accorder une issue favorable. Et va lui octroyer sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. Regardez cette miséricorde, regardez ces enseignements qui nous rassurent. Et à travers ces enseignements, c'est là qu'on peut trouver la quiétude, la sérénité et être tranquillisé. Allah nous veut du bien. Allah nous veut du bien. Donc les musulmans, ils seront secoués par les épreuves. Allah nous dit dans un verset, est-ce que vous pensez que vous rentrerez au paradis sans que vous soyez prouvés, sans que vous viviez ce qu'ont vécu ceux qui étaient avant vous? Et Allah nous dit que ces gens qui ont vécu avant nous, ces peuples qui ont été éprouvés, fazulzilou, ils ont tremblé. Fazulzilou. Jusqu'à ce qu'ils disaient, mais quand est-ce que le secours d'Allah, quand est-ce que le secours d'Allah? Quand est-ce que viendra le secours d'Allah et le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ala inna nasrallahi qarib. Et Allah disait, et le soutien d'Allah est proche. Le soutien d'Allah est proche. Donc sachez, pour terminer, vous allez voir qu'à travers l'étude de ces histoires dans le Coran, eh ben, on va tirer de nombreuses leçons et on va trouver une sérénité, une tranquillité. Et de ce fait, les gens qui sont sur le chemin droit, la khawfun alayhim wa la yahzanun. Et on va terminer sur ça. Allah nous dit pour eux, point de peur pour eux et point de tristesse. N'ayez point peur. Ne soyez pas attristés. La promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est véridique. Et donc, accueillez ce mois avec honneur, joie, réjouissance. Soyez heureux de compter parmi les croyants, ceux qui sont soumis à lui et ceux qui trouvent un bonheur de jeûner, de prier, d'adorer leur Créateur subhanahu wa ta'ala. Wa billahi tawfiq wa usallim ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.